Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'du fa aujourd'hui le 17 du mois de Al-Muharram de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa salam, nous avons eu le plaisir d'assister à ce cours de notre cheikh Samir Al-Qaisi hafidhahullah ta'ala. Je vais commencer à faire sa présentation avant le cours, il n'a pas eu le temps de terminer donc je terminerai ici. Toujours sur la base, comme je l'ai expliqué avant le cours, de cette parole de Mohamed ibn Sirin et de nombre de salaf, radouanallahi alim, inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez de qui vous la prenez. Il convient donc à la personne de regarder de qui il apprend sa religion. Et ceci n'est pas blâmable, au contraire, ceci est louable que tu te demandes à propos de qui tu vas apprendre ta religion, que ce soit un imam, un prédicateur pour le sermon, ce que tu écoutes de ta religion, sermon du vendredi, des cours que tu assistes à la mosquée, comme cela, des appels téléphoniques. Au contraire, ceci est louable. Il te faut rechercher qui est cette personne de qui tu as appris, de qui tu as écouté ce cours. Et ceci même avant de venir assister à un cours. Ceci est quelque chose de louable et c'est ton droit. Et c'est pour cela que, Inch'Allah, on te donne ton droit, comme j'ai l'habitude de le faire avant chaque traduction de ces appels téléphoniques que nous avons l'habitude de faire. Inch'Allah, il y aura d'autres appels téléphoniques encore une fois pendant cette période, la période estivale de cette année. Inch'Allah, Azza wa Jal. Aujourd'hui, le cours était avec notre cher, cheikh Samir ibn Ali Al-Qaisi, hafidahullah ta'ala, Abu Hassan, qui est un yéménite, hafidahullah ta'ala, qui est né en 1398 de l'Égypte, donc comme on l'a dit, qui a 47 ans aujourd'hui, hafidahullah ta'ala, qui à la base est de la ville de Jodda, en Saoudia, qui a émigré vers le Yémen, qui est d'origine donc du Yémen, qui a émigré vers le Yémen pour aller profiter de ce grand savant, cet imam, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, chez qui il a étudié, avec qui il s'est assis, avec qui il a profité, chez qui il a étudié, puis il est revenu dans sa ville, la ville de Jodda, où il a continué ses études auprès des savants de Al-Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya, harasahallah, bilad al-Tawhid wa al-Sunna, à leur tête les savants de la ville de la Mecque, Mecca, et à leur tête l'allama Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, de même que al-Sheikh Muhammad Ali Adam al-Ithiobi, rahimahullah azza wa jal, et autres que eux parmi les grands savants de cette ville, de même que d'autres parmi les grands savants de la ville de Médine et autres. Et Cheikh est parmi les élèves, ou fait partie des élèves rapprochés de Cheikh Al-Allama Rabi ibn Hadi Al-Madkhali. Il fait partie de ces élèves rapprochés, bien qu'il soit peu connu. Et ceci a des causes, comme vous le savez. Il est possible qu'une personne ne soit pas forcément connue du grand public, mais pourtant c'est quelqu'un qui a une place élevée. Et en l'occurrence, notre cheikh, comme vous allez l'entendre ici dans une recommandation de notre cheikh, cheikh Khalid Abou Abdelala, que nous avons eu la semaine passée au téléphone pour un cours, que ce dernier donc a fait une recommandation sur le cheikh et dans laquelle il évoque le fait qu'il faisait partie des élèves rapprochés de cheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Actuellement, cheikh Samir est imam et officier le prêche du vendredi au sein d'une mosquée dans la ville de Jodda, en Arabie Saoudite bien sûr, harasahallah, où il dispense aussi de nombreux cours, et ceci depuis de nombreuses années. Et parmi les cours qu'il dispense actuellement, donc 3 cours par semaine, 3 jours différents, où il enseigne plusieurs livres ces 3 jours, des cours que nous avons le plaisir de suivre avec lui en direct, et parmi ces cours-là, un cours qu'il a mis en place expressément pour les frères de Al-Maghrib al-Arabi, on va dire du Maroc, de la Mauritanie et autres, avec qui on s'entraide pour ce cours-là, le cours sur l'explication de Al-Muwatta, sur lequel donc je lis sur Cheikh Al-Muwatta, ceci depuis presque 2 ans maintenant. Walillah alhamd, les cours sont hebdomadaires, le mardi soir, et ils sont retransmis sur la chaîne Ahl al-Dhikr. Ici, une question qui a été dirigée, donc que j'ai posée moi-même à notre cheikh, cheikh Khalid Abou Abdel A'la, sachant que j'ai visité pour la première fois cheikh Samir il y a de cela 6 ans à peu près avec notre cheikh, cheikh Khalid, et donc c'est quelqu'un qui est proche de lui, donc ils font partie des élèves de cheikh Rabi, des élèves connus et rapprochés de cheikh Rabi, il le connaît très bien, on l'avait visité, et notre cheikh, cheikh Khalid avait donné un cours dans la maison de cheikh Samir, donc je sais très bien que ils se connaissent bien, chacun fait l'éloge de son frère, mais j'avais posé cette question pour, encore une fois, faire connaître, car ceci est aussi l'un des buts de nos appels téléphoniques, de faire connaître les savants de la Sunna aux frères, des savants qui peuvent être méconnus. Et lorsque les savants sont méconnus, eh bien, ils prennent leur place des personnes, comme on l'a évoqué au cours de dimanche, des personnes qui n'ont pas forcément ce droit d'être mis à cette place-là. Donc il est important de faire connaître aux jeunes les savants de la sunna. Il est important pour les frères de rechercher à connaître qui sont les savants de la sunna, les gens qui ont le droit à cette place, ont le droit à l'enseignement, ont le droit à cette place. Barakallahu fikoum. Donc, toujours sur cette base, nous faisons ces appels téléphoniques afin de vous faire connaître aussi les personnes qui sont viables dans leur manhaj, dans leur science, de qui vous pouvez prendre la science. Et encore une fois, en avançant, donc une brève présentation de ce cheikh que nous avons appelé et une chose très importante, si ce n'est la chose la plus importante ici, les recommandations des gens de science. Car une personne peut avoir étudié chez les savants comme on l'a vu ici, donc chez des imams de cette communauté, mais cela ne garantit pas la viabilité de son manhaj ni même de la science qu'il aura prise. Il peut être quelqu'un qui est connu pour avoir étudié chez un tel ou un tel, mais il n'a pas acquis une science qui le permettra d'enseigner après. Ceci est quelque chose qui, que l'on peut voir à différents niveaux. On connaît que les imams de cette communauté ou les savants de manière générale donc ont beaucoup d'élèves ou beaucoup de personnes en tout cas qui assistent à leurs assises. Est-ce que l'ensemble d'entre eux sont aptes à donner des cours? Ce ne sont pas l'ensemble d'entre eux qui sont aptes à donner des cours. Donc à partir de là, il nous faut des recommandations pour savoir qui sont ces gens-là, quelqu'un qui nous fait connaître ces gens-là, qui nous met en avant que ces gens-là sont viables dans leur manhaj comme dans leur science. Ici, donc, une question que j'avais posée à notre cher Cheikh Khalid, où il répond à une question qui est enregistrée, que vous retrouvez sur le site. Il dit, à propos de Cheikh Samir, il dit, ce que je connais au sujet de notre frère, Cheikh Abu Hassan Al-Qaisi, Al-Yamani, qu'Allah le bénisse, c'est qu'il est l'un de nos frères studieux dans l'étude de la science et son apprentissage. Il a étudié chez un certain nombre de savants émérites, à commencer par Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. Notre Cheikh aussi, donc notre Cheikh Rabi ibn Hadi al-Matrali, qu'Allah le préserve, ainsi que d'autres parmi les gens de science. Il faisait partie, tel que je m'en souviens, des étudiants qui ont beaucoup profité de notre Cheikh Rabi dans la science. Du hadith en particulier. Il a lu sur lui le livre de Al-Ilal, de Al-Tirmidhi, en entier. J'ai assisté à certaines de ses assises lorsque j'étais à la Mecque. Elles ont duré des années. Aussi, il fait partie, c'était une assise privée, comme me l'a confié Cheikh Samir, une assise privée où lui et quelques frères parmi les mashayikh de Jedda lisaient sur Cheikh Al-Allama Rabi ibn Hadi Al-Matqali, ce livre, le livre de Al-Ilal, qui est un livre qui n'est pas un livre simple dans la science. Et en particulier lorsque c'est quelqu'un qui fait partie des gens de science qui le lit sur un grand savant spécialisé en plus de cela dans la science du hadith. Il dit aussi, il fait partie, donc Cheikh Khalid Abou Abdelal, elle dit aussi, il fait partie de ceux qu'apprécie notre Cheikh Rabi' comme je le sais. En effet, Cheikh Samir faisait partie des élèves rapprochés de Cheikh Rabi', très proche de lui. Puis elle dit, notre frère Abou Hassan fait partie des mashayikhs et étudiants en sciences qui ont profité des savants. Je recommande aux étudiants de profiter de lui et d'écouter le cours dont il m'est parvenu qu'il allait commencer, donc ceci il y a à peu près 2 ans, dans le commentaire de Al-Muwatta, qu'il profite de lui et je demande à Allah qu'il lui accorde le succès et de placer sa bénédiction en lui et ses efforts. Aussi, une audio que j'avais mis sur la chaîne Telegram Ahl al-Dhikr ainsi que sur le site de Cheikh Rabi', où Al-Allama Rabi' ibn Hadi, lorsque Cheikh Samir est parti le visiter avec certains de ses élèves pour qu'il profite de Cheikh Rabi', Cheikh Rabi' a fait son éloge et a recommandé à ses élèves, donc aux élèves de Cheikh Samir, de fournir des efforts dans l'étude de la science et d'étudier avec lui des livres du hadith, de la terminologie du hadith, de la croyance et autres que ça. Donc il fit ses éloges et recommanda de prendre de lui. Aussi, Cheikh est connu de beaucoup de nos mashayikh qui le recommandent et qui font ses éloges parmi Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Matrali et autres que eux parmi les savants de la sunna. Après cette brève introduction, donc je me dépêche un petit peu puisque la prière est dans 20 minutes. Oh, Inch'Allah, on aura le temps de faire la traduction. Comme d'habitude, j'aime à le rappeler, ceci sera une traduction approximative du résumé du cours. Comme vous l'avez entendu, ici en plus, Cheikh a l'habitude de parler un petit peu rapidement. Donc, je vais résumer ce que nous avons entendu ici et je ferai une traduction approximative selon ce qu'il me sera facilité du cours que nous avons entendu aujourd'hui. Un cours qui était basé sur le hadith, sur l'explication donc, du hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit... sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din, dans le sens approximatif de ces paroles, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension en religion. Un hadith que nous avons entendu ensemble dimanche, si vous vous rappelez, dans l'étude du livre de l'I'tisam bil kitab wa sunna du sahih de l'imam al-Bukhari. Cheikh, après son introduction, après avoir prononcé khutbatul haja dans l'introduction, puis avoir fait des invocations que cette assise soit une assise bénie et sincère et entièrement voué à son visage, au visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, il rappela le titre du cours, qui est ce hadith, celui à qui Allah veut du bien lui donne la compréhension de la religion. Puis il dit que ce hadith est un hadith grandiose qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique, dans son sahih, à plusieurs endroits. Parmi ces endroits, dans le livre de la science, Kitab al-Ilm, sous la porte, donc le sous-chapitre 2, celui à qui Allah veut du bien et lui donne la compréhension de la religion. Aussi à un autre endroit, dans le livre de l'obligation du cinquième du butin, et ceci la cause que l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith dans ce chapitre, le chapitre de la part du butin, le cinquième du butin, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dit: je suis celui qui divise, ou celui qui divise dans le sens celui qui partage, et Allah est celui qui donne. Je suis celui qui partage et Allah est celui qui donne. Puis il rapporta aussi ce hadith, l'imam al-Bukhari, dans Kitab al-I'tisam bil-Kitab wa-Sunna, le chapitre du cramponnement au livre et à la Sunna, comme vous le savez. Et ceci car dans le hadith, à la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il ne cessera d'y avoir un groupe de cette communauté qui sera voyant et qui combattra pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce que Allah azza wa jal vienne ou fasse venir son affaire. Et ils sont voyants sur cela, ils continuent à combattre sur cela, ils sont apparents. Comme nous l'avons étudié dimanche, lors du cours du dimanche, donc sur l'étude du Sahih de l'imam al-Bukhari. Et le cheikh de nous dire, hafidhahullah, que l'imam al-Bukhari a donné comme titre ou sous-titre ici, un titre qui est en concordance avec une partie de ce hadith, comme je viens de le dire ici, une partie de ce hadith. Donc la première dans le livre de la science, ceci est clair: celui à qui Allah Azza wa Jalla veut du bien et lui enseigne la compréhension de sa religion. La deuxième partie, donc l'obligation de donner le cinquième du butin, ceci comme je vous l'ai dit, car le professeur Sam dit: je suis celui qui partage et Allah est celui qui donne. Et le troisième, comme je viens de vous le dire, donc dans Kitab al-I'tisam, le cramponnement au livre et à la sunna, concernant le fait que al-ulama sont ceux qui sont ce groupe de cette communauté qui reste apparent et qui se battent pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui reste apparent jusqu'à la fin des temps. Et chir de nous dire que dans ce hadith, il y a, dans ces trois parties de ce hadith, ici ces trois parties qui ont été évoquées, il y a, comme le dit al-Hafidh ibn Hajar, ce qui rentre dans le mérite de la science, ou ce qui est en relation avec la science et son mérite, comme on va le voir. Il dit aussi que l'imam muslim a rapporté ce hadith comme dans le livre de Az-Zaka, dans le livre de l'aumône. La cause de cela est la partie du hadith où le prophète sallam dit: je suis celui qui partage Allah et celui qui donne, donc le partage du butin. Achir de nous dire que donc il nous rapporte, il nous décortique le hadith et nous donne des bénéfices liés à la langue arabe que je ne rappellerai pas ici. Simplement je dirais que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien et lui enseigne la compréhension de sa religion, eh bien ce qui est compris ici d'après la langue arabe, c'est que la récompense de celui à qui Allah veut du bien, c'est qu'il lui enseigne la compréhension de sa religion. C'est ce que nous comprenons du point de vue de la langue arabe ici. Et ce que nous comprenons aussi de l'inverse, c'est-à-dire une compréhension inversée de ce hadith, c'est que celui à qui Allah Azza wa Jalla ne veut pas du bien, eh bien, ne lui enseigne pas la compréhension dans sa religion, ou que celui qui n'apprend pas, qui n'a pas la compréhension de la religion, eh bien, celui-ci, ce sera un signe que Allah Azza wa Jalla ne lui veut pas du bien. Et le shir de nous dire que de là nous voyons le mérite de la compréhension en religion. Le mérite de la compréhension en religion. Et le shir de nous dire que ici, le fiqh, la compréhension, la science qui est évoquée dans ce hadith, ce n'est pas simplement la science et la connaissance. Ce n'est pas uniquement la science et la connaissance. Mais c'est plutôt cette science et cette connaissance qui donnera des fruits. Et ces fruits sont les œuvres pieuses. Car une science qui ne mène pas à des œuvres pieuses, est une science qui est blâmable. C'est une science qui est blâmable, que Allah et son prophète ont blâmé. Qu'Allah a blâmé dans son livre et son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah. Et ici le cheikh nous dit que al-fiqh ici, c'est la compréhension. C'est la compréhension de l'islam, la compréhension de la religion. Ce n'est pas simplement al-fiqh comme on pourrait traduire par la jurisprudence, c'est-à-dire les règles religieuses, mais plutôt c'est l'ensemble des portes de la religion, c'est-à-dire les règles religieuses, la croyance, l'aqida, de même que les sciences du hadith, de même que les bons comportements et autres que cela. Le shir de nous dire que la compréhension du livre et de la sunna a plusieurs voies nous menant à celle-ci. Et la personne doit emprunter ces voies qui sont connues. Et le shir nous rappelle un hadith où Abu Juhayfa posa la question à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, dans le sens, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a particularisé par une science en dehors d'autres que vous, c'est-à-dire les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ali de dire non, Ali ibn Abi Talib de dire non, il ne nous a pas particularisé par une chose en dehors d'autres que nous, mais plutôt ce sera une science que Allah azza wa jal donnera à une personne dans son livre, dans la compréhension de son livre. Et le shir de nous dire que ceci est un grand bien pour le serviteur lorsque Allah Azza wa Jal lui donne la compréhension dans sa religion. Et lorsque tu auras acquis la compréhension dans ta religion, tu sauras que tu auras pris une part de ce bien. Et Allah Azza wa Jal donne à qui il veut. Et bien sûr, Cheikh de nous dire que le fait d'acquérir la science, a des causes. La première de ces causes menant à acquérir la science est le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi. Comme il le dit tabaraka wa ta'ala, et nous avons donné la compréhension à Sulayman dans cette affaire qui opposa Sulayman à son père Daoud alayhi salam. Et le shir de nous dire que ce qui est voulu ici, c'est que Allah azza wa jal a donné la compréhension de cette affaire à Sulayman, une affaire dans laquelle ils ont jugé par un effort d'interprétation. Et Sulayman a donné le bon jugement. Et ceci est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a donné à ce moment-là. Puis le shirk de nous dire que ce qui est voulu par le fiqh, par la compréhension, par la science, est bien les œuvres. C'est-à-dire ce qui est voulu par ta recherche de la science est d'œuvrer. Et ceci est la plus grande chose que Allah Azza wa Jal peut t'accorder, peut te donner comme subsistance, c'est-à-dire les œuvres pieuses. Et par cela, le serviteur est élogieux, c'est-à-dire que le serviteur, on lui fait des éloges par le fait qu'il œuvre des bonnes œuvres et qu'il a acquis la science profitable. Comme cela, Allah Azza wa Jal le dit dans son livre. Et nous avons certes, dans le sens approximatif de ces paroles, et nous avons certes détaillé les versets pour un peuple qui comprenne. Donc nous voyons qu'Allah Azza wa Jal a fait les éloges de celui qui comprend, à qui Allah Azza wa Jal lui a donné la compréhension dans la religion. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. De même que ce hadith grandiose, où en résumé, je résumerai ici, ce hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques par Abu Musa al-Ash'ari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en exemple ce par quoi il a été envoyé parmi la science et la guidée, comme une pluie qui est tombée. Et il a donné trois exemples pour résumer ici, rapidement, une partie de la terre qui aura pris l'eau et que cette eau-là aura donné des fruits, aura fait pousser de la végétation, donner des fruits et qui se sera répandu. Une autre partie de terre qui, elle, aura retenu l'eau et qui aura fait pousser et que les gens auront profité aussi de cette eau-là. Et une troisième partie qui est stérile, qui n'aura pas retenu l'eau, qui n'en aura pas profité, n'aura pas fait profiter les gens. Et le shir de nous dire que ce hadith nous explique ce qui est voulu par le hadith rapporté par Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc ce hadith qui est devant nous, celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien, il lui enseigne la compréhension de la religion. Car en vérité, celui qui aura accepté, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin du hadith, comme il l'a évoqué dans le sens de ses paroles, celui qui aura accepté donc cette science et cette guida avec laquelle il est venu et qui aura accouru vers elle, qui l'aura accepté pour lui, qui aura accouru vers elle, c'est-à-dire chercher Allah à l'acquérir, et qui aura profité de cette dernière et fait profiter d'elle. Ceci comme le cœur qui aura donc accepté, qui aura accouru vers le Coran et la Sunna, vers son apprentissage et qui aura fait profiter de ce qu'il aura appris, puis aura œuvré, puis aura appelé à ce qu'il a appris du Coran et de la Sunna. Comme cela dans le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, ces trois sortes de terres qui définissent les trois sortes de personnes face à la science et la guidée avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir de me dire que la première de ces sortes, celle qui aura profité de cette eau, puis aura relâché cette eau qui aura fait profiter autre que lui, que les gens auront profité, qui aura profité de cette eau, qui les gens auront profité de ce qui aura poussé sur cette terre, puis aussi aura fait profiter autre qu'elle, ceux-là sont les savants. Ceux qui ont profité de la science et qui ont fait profiter les autres, ceux-ci sont les savants. Ceux qui sont les gens qui ont eu là, qui ont acquis la compréhension de la religion et qui auront atteint le rang de ceux qui font l'effort de l'interprétation. Les savants de l'islam. La deuxième sorte, celle qui aura retenu l'eau, qui aura fait pousser de la végétation et des fruits dont les gens auront profité, ceux-là sont à un degré moindre, mais ce sont des gens bien, ce sont des gens à un degré moindre qui n'auront pas atteint le degré d'ijtihad, d'istinbat ici, donc d'effort d'interprétation, mais ce sont des gens de qui les gens auront profité. Ils auront profité de cette guidée, de cette science, et les gens auront profité d'eux, mais à un niveau moindre que le premier groupe. Et le troisième groupe, la terre stérile, cette terre qui n'aura retenu ni l'eau, c'est-à-dire ici la guidée et la science, et qui n'en aura pas fait profiter autre que eux, et qui n'en auront pas profité eux-mêmes, Cheikh nous dit, ceux-là, ce sont comme les hypocrites et les non-croyants. Ceux-là, ce sont comme les hypocrites et les non-croyants. Comme les hypocrites que Allah Azza wa Jal a blâmés dans plus d'un verset, wa alaykoum salam, où il dit dans le sens de ses paroles, mais plutôt les hypocrites ne comprennent pas, mais plutôt les hypocrites ne savent pas, de même que les non-croyants que Allah Azza wa Jal a blâmés dans plus d'un verset de son livre, en évoquant ces gens, donc les gens de la mécréance, qui ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas, et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas, et autre que cela, ce qui est venu dans ce hadith et autre que dans ce verset et autre que celui-ci comme verset. Ces gens qui auront vu la guidée et la science, mais qui se seront détournés de celle-ci, qui se seront détournés de la vérité, cela, Allah Azza wa Jal aura aveuglé leur clairvoyance. Cela, Allah Azza wa Jal aura aveuglé leur clairvoyance. Puis le shir de terminer le cours d'aujourd'hui en nous disant, en nous recommandant vraiment de nous tourner vers l'apprentissage de la science profitable, de même que son enseignement, pour celui qui aura pu l'apprendre correctement. Et il nous conseille d'apprendre le Coran, de le mémoriser petit à petit, et ceci auprès de quelqu'un, il nous dit auprès d'un savant qui t'enseignera les bénéfices que tu auras à retirer et les sujets que tu retireras des versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme cela la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu apprennes cela auprès de quelqu'un parmi les gens de science qui aura un bon manhaj, de même que le reste des sciences, tu prendras de ces sciences ce que tu as besoin parmi les sciences outils, et tu t'élèveras petit à petit dans l'apprentissage de la science. Les sciences outils comme les fondements dans les sciences, comme la science de la langue arabe, les sciences des fondements du hadith, des fondements de la jurisprudence, des fondements du tafsir, et tout ceci auprès des gens de science qui sont connus pour leur bonne méthodologie et pour leur science. Et en même temps que tu apprends cela, Cheikh nous dit, tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala. En même temps que tu apprends, tu demandes à Allah, car comme il est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis celui qui partage et Allah est celui qui donne. Donc ici, encore une fois, un bénéfice que nous retirons, tu demanderas, même lorsque tu apprendras cette science, tu demanderas à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il te donne, car c'est bien lui qui donne, tabaraka wa ta'ala. Le shir de nous dire que nous apprenons afin d'œuvrer. Nous apprenons afin d'œuvrer. Et ceci est ce qui est voulu par l'apprentissage de la science. Et nous œuvrons pour être sauvés du châtiment pour être sauvés du châtiment. Ceci est le réel but que nous avons. Ce n'est pas simplement le fait d'apprendre la science. Plutôt le fait d'apprendre la science, d'avoir des connaissances, ceci est blâmable. Comme nous le voyons que Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé les juifs dans son livre, ceux qui ont appris mais qui n'ont pas œuvré. Il les a appelés ou il les a fait, il les a fait ressembler dans son livre à Al-Himar, aux ânes, parmi les plus vils des animaux. De même que au chien, celui qui apprend mais qui n'œuvre pas selon sa science. Et ce qui est voulu, le shir nous rappelle encore une fois que ce qui est voulu par l'apprentissage de la science est bien l'œuvre, le fait d'œuvrer. Comme ceci, Allah Azza wa Jal nous montre cela comme dans Surat Al-Asr. La sourate du temps. Il nous dit ensuite que celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala accorde la bonne intention dans l'étude de la science, et bien celui-là qu'il se fasse la bonne annonce d'un bien dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. D'un bien dans cette vie d'ici-bas avant l'au-delà. Un bien qu'on ne retrouve pas chez même les enfants des souverains, des rois et des personnalités. Plutôt, ce bien-là, lorsque toi tu auras une bonne intention dans ton étude de la science, tu es sur un bien qui t'arrivera dans cette vie d'ici-bas, avant même ton au-delà. Et tu es sur la voie des prophètes et des messagers. Mieux encore que les enfants des souverains, car en réalité les prophètes et messagers n'ont pas délaissé. Les prophètes n'ont délaissé après eux, n'ont laissé en héritage après eux ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé en héritage la science. Celui qui l'apprend aura pris donc une part conséquente. Et le shir de nous rappeler aussi ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les anges abaissent leurs ailes pour celui qui apprend la science et pour celui qui l'enseigne. Et le shir de nous dit que ceci est un grand mérite et ceci te suffit comme mérite. Le fait de savoir que celui, parmi les mérites de la science, de l'apprentissage et de l'enseignement, que les anges abaissent leurs ailes pour celui qui apprend, qui recherche la science dans la religion et qui l'enseigne. De même que l'ensemble de ce qui est sur la terre et dans les cieux demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala pour cette personne qui recherche la science et qui l'enseigne. Le jir de nous dire que tu es donc sur un grand bien. Tu es sur un grand bien à ce moment-là lorsque ton intention est bonne et que tu apprends la science. Et pourquoi veux-tu sortir ta propre personne de ce grand bien dans lequel tu es? Au contraire, reste dans ce grand bien. Ceci de jour comme de nuit, même au travail, à tout moment, tu apprends la science et tu l'enseignes comme tu le peux. Ce grand bien qui a été évoqué dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Pourquoi veux-tu sortir donc ta propre personne de ce grand bien dans lequel tu es? Et le shir de nous dire qu'une fois que tu as appris donc cette science, enseigne-la, propage-la. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans sa parole, dans le sens, si Allah guide par ta cause une seule personne, ce sera meilleur pour toi qu'un troupeau de chamelles rousses. Donc apprends aux gens, enseigne aux gens, réponds la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le shir termine en disant, cette partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté apparente sur la vérité qui combat pour cette vérité jusqu'à la fin des temps. Le shir de nous dire que ceci est le groupe sauvé et ce sont les gens de science, comme l'a dit l'imam al-Bukhari, si vous vous rappelez, comme on l'a dit dimanche. Ceci sont les gens de science. Et il dit dans une autre version du hadith, personne ne leur causera du tort, personne ne leur nuira, personne ne leur causera du tort. Pourquoi? Pourquoi personne ne leur causera du tort? Parce que ces gens-là ont la vérité auprès d'eux. Ils ont appris la vérité et ceci est leur arme par laquelle ils se défendent. Ceci est leur arme par laquelle ils se défendent et avec laquelle ils s'opposent à tous les ennemis de l'islam. La science profitable. Il s'oppose avec cette science profitable aux ennemis de l'islam, parmi les gens de l'innovation, parmi les gens de la mécréance, parmi les gens du polythéisme et autres. Et le shir de nous dire que dans ce hadith, le prophète sallam nous dit qu'ils sont apparents. Ce groupe de cette communauté est apparent sur la vérité. Il nous dit, le shir, tu n'apparais pas, regardez dans ce hadith, tu n'apparais pas par tes muscles. Tu n'apparais pas, tu n'es pas apparent par des muscles que tu auras. Tu n'es pas apparent par de l'argent, par une lignée, ou autre que cela par un titre honorifique, mais plutôt par la science. Par la science, c'est ceci qui te rendra apparent sur la vérité. Et le cheikh de me dire que la science est une chose par laquelle est élevé le serviteur dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et en vérité, ceci, lorsque tu désires par cette science que tu apprends et que tu enseignes, secourir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et défendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est la voix des meilleurs des hommes dans cette vie d'ici-bas, donc les prophètes et les messagers. Et il faut savoir que tu ne dois pas te, comme le dit le shir, il termine sur cela, tu ne dois pas te précipiter dans les résultats de ton appel à Allah tabaraka wa ta'ala, car nous voyons dans plusieurs hadiths où les prophètes et messagers avaient peu de personnes de leur peuple qui les ont suivis. Ils viendront certains d'entre eux le jour du jugement avec personne avec eux. Donc tu ne dois pas te précipiter dans les résultats de cet appel à Allah tabaraka wa ta'ala, mais plutôt toi, ce qui t'est demandé, c'est d'adorer Allah azza wa jalla comme il se doit, d'apprendre ta religion, de l'adorer comme il se doit et de suivre le sentier droit. Puis le shir termina le cours en nous orientant vers un livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui s'appelle Miftah Dar al-Sa'ada, et il nous cita aussi d'autres livres comme un livre de Ibn Abdul Barr sur le mérite de la science, et il termina le cours par des invocations pour nous, ceux qui avons assisté donc à ce cours et tous les gens de cette mosquée. Barakallahu fikum wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.